Bonjour à tous, vous écoutez le podcast Youngtis, le mensuel du mois de mai 2016. À mes côtés, Yaoshi. Salut Yoshi. Salut. On a Max. Salut Max. Salut. Et on a Matt. Salut Matt. Salut. Alors, comme d'hab, on va faire un tour de l'actu ou des coups de cœur du mois dans différentes rubriques. On va commencer par le sport directement. Et Matt voulait parler de Mohamed Ali décédé le week-end dernier. Bah oui, c'était pour un petit hommage. Alors, je suis pas un grand spécialiste. Moi, la période où j'ai beaucoup suivi la boxe, c'était la période Tyson, où je me levais la nuit et tout. C'était voilà. Mais j'étais petit, mais sinon, voilà, ça reste bah, The Greatest, quoi. Donc, c'est un des plus grands sportifs de tous les temps, si ce n'est le plus grand. Donc, voilà. C'était pour rendre un petit hommage, on va dire. Bah c'est que c'était plus qu'un sportif, quoi. Il a vraiment eu des Oui, c'est positions à un ça. moment très politique par rapport à toute la communauté noire, quand vraiment dans une époque où c'était un peu compliqué. Et plus qu'un sportif, ça a été vraiment un symbole, quoi. Je pense qu'on a fait une icône, c'est vraiment ses prises de position. Enfin, quand tu vois ses déclarations au moment de la guerre du Vietnam, c'est énorme, quoi. Le gars a quand même dit, je vais pas aller faire la guerre, les Vietnamiens n'ont jamais traité de nègre. Oui, c'est ça. Voilà. Bien, ça fait. Le mec fait quand même 5 ans de prison, je crois, 4 ans sans pouvoir boxer. Le mec qui revient et directement après, il est champion du monde, quoi. Enfin, tu dis que le mec, c'est un fou. Enfin, c'est pour le faire, quoi. C'est, t'en as pas beaucoup qui le feraient, quoi. Ce qu'il a fait, c'est énorme. Ouais. Ouais, je crois que c'est ça. En plus d'être l'un des plus grands sportifs, c'était aussi une personnalité, quoi. C'était pas juste une façade lisse qui gagnait des compétitions, quoi. Après, il vivait depuis nombreuses années avec Parkinson. Ouais, est-ce 32 que ans. c'était encore une vie ce qu'il avait? Je sais pas trop à quel point il pouvait être diminué, mais. A priori, d'après ce que j'ai entendu, oh, il avait, c'est un peu comme Michael J. Fox qui a la même maladie depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il avait a priori encore toute sa personnalité, quoi. Il était complètement conscient de ses actes, de ses paroles, etc. À part qu'il y avait énormément de tremblements. D'ailleurs, je retrouve, je sais pas si vous avez vu, il y a une série de 4 photos, les 4 dernières photos qu'il a fait, peu de temps avant de décéder. Je vais essayer de les retrouver pour les poster sur le forum, parce qu'elles sont juste magnifiques, quoi, vraiment. Je vais essayer de vous retrouver ça demain, mais elles sont vraiment magnifiques. Il devait avoir un bon stabilisateur d'image quand même. Tu m'étonnes. Oh, le visage, ça peut aller encore. Oh non, en plus, il prend un moment, il prend une position avec les mains en mode boxeur, donc t'as raison. Faut aller y aller. Voilà, la mort d'une légende quand même. Ouais, ça fait toujours quelque chose hein, quand on voit Ouais. des. Même Bah si j'ai pas grandi en voyant moi ça. j'avoue, je pensais qu'il était déjà mort en fait. Ah. Je savais pas que t'es encore vivant. Moi, je voyais, tout le monde qui met des photos, je fais, mais il était pas déjà mort? Et non, C'est en vrai qu'on le fait. voyait plus, il était un peu sorti de la scène médiatique. Ouais. Bah, le truc, c'est qu'avec les tremblements, je pense qu'ils essayaient de le mettre, pas trop l'exposer comme une bête de foire, quoi. Oui, clairement, ouais. Bah après, ma génération à moi, qui n'avons pas connu tous les combats et tout, ça reste aussi quand il a allumé la flamme olympique à Atlanta, c'était pas mal, quoi. C'était un moment fort aussi, quoi. Surtout quand on connaît justement son passé avec les États-Unis, son passé par rapport à ça, le fait que ce soit lui qui allume la flamme, malgré sa maladie, malgré tout ça, c'était une idée de génie, je trouve. Ouais. Ouais, Atlanta en plus c'est pas le coin le plus avancé en termes de racisme. Je suis pas spécialiste de la Ouais, géographie. la Géorgie c'est un peu parfois c'est un peu tendancieux mais bon. Alors après Mohamed Ali, on va parler des NBA Finals. On a déjà fait un podcast mais Max voulait revenir un peu sur les deux premiers matchs. Donc on va faire ça brièvement. Vas-y Max. Ouais, bah je vais parler d'abord de la série face au Thunder, parce que les Warriors étaient quand même menés 3-1, ils gagnent 4-3, c'est un truc de fou. Enfin, il y a que 10 équipes dans l'histoire qui l'ont fait. Enfin, c'est assez énorme. Et puis bah là, sur les finals, t'as l'impression que c'est pas deux équipes NBA, quoi. T'as une équipe NBA et l'autre qui est, je sais pas, de Pro B ou je sais pas quoi. C'est l'écart est monstrueux. Surtout, je crois que le deuxième match, c'est le pire. Ils prennent 33 points dans la vue, les Cavs, quand même. 33 points, c'est énorme. Je crois que c'est un des plus gros écarts de finale NBA, hein, clairement. Et en plus, ce que je crois que c'est encore plus fort, c'est qu'ils prennent 33 points avec un Curry Thompson. Pas si exceptionnel que ça, quoi. Alors oui, ils sont bons, ils mettent les paniers qu'il faut, mais c'est pas ce qu'on a connu tout au long de la saison régulière, quoi. C'est vraiment j'ai un peu peur. J'aime pas LeBron James, donc finalement ça me ferait plaisir, mais franchement, je pense qu'un sweep, c'est possible, quoi. C'est clairement possible. Surtout si le match 3, ils l'ont perdu, parce que bah quand le podcast sera diffusé, le match 3 aura déjà eu lieu, mais si le match 3, ils le perdent, quoi, c'est mort, quoi. Bah moi, ce qui m'a surpris, c'est que Cleveland, on les voyait très forts parce qu'ils avaient eu des playoffs assez faciles, ils ont écrasé tout le monde. Et on pensait avoir une rivalité un peu plus forte, surtout que Golden State paraissait un peu moins fort que l'année dernière, au même moment. Mais ils répondent vraiment présent. Après, je pense que Cleveland a un peu déjoué. Alors, je sais pas si c'est un manque de rythme ou des repères à retrouver par rapport à l'adversaire. Mais le sweep, j'y crois pas trop, mais je vois ouais, peut-être un 4-1 ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il y aura quand même un petit sursaut de Cleveland. Après, sur le mal, tu dis, ils ont déjoué. Enfin, quand tu vois que LeBron James perd 7 balles au match 2 et que l'équipe entière en perd 14, c'est déjà que le mec, alors oui, il fait des passes décisives, mais bon, il perd autant de ballons qu'il fait de passes décisives. Donc, un peu, pour l'équipe, c'est pas forcément une bonne chose, quoi. Oshimata, vous regardez pas, vous, Le les NBA? basket, je n'y connais absolument rien, non. Bah, j'y connais, enfin, je connais les règles, quoi, mais non, je regarde pas l'NBA. Et du coup, là, c'est la finale de... Finale, c'est pas finale de conférence. Non, Non, finale, là, c'est finale. les vraies finales, Est-Est-Ouest. Est-ce que, juste question con, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a un trop gros écart entre les conférences, ou c'est juste le hasard qu'il y en a une des deux qui gagne plus facilement? Non, ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu un écart entre l'Est et l'Ouest. L'Ouest étant plus fort en général. Voilà, en général, ouais. Alors, c'est arrivé que l'Est gagne quand même, hein. Mais c'est vrai que, voilà. Après, quand t'as des joueurs en armes comme Michael Jordan dans une équipe de l'Est, ça aide à gagner, quoi. Mais sinon, ça que l'Ouest a toujours été plus fort. L'Ouest a toujours été plus fort, quand même. Il y a une Bon, plus surtout grosse ces rotation. dernières années. Avant, c'était pas forcément le cas. Il y avait Boston et tout qui marchait dessus, mais là, bon, en Après. ce moment, Golden State était favori avant. Mais les playoffs faisaient penser que ça allait être plus dur que ça, mais finalement, bon, pour l'instant, ils se baladent un peu, quoi. Mais déjà, c'est eux qui avaient fait une énorme série cette saison. Ouais, voilà, ils ont battu le record Les Bulls. de victoire. Ouais, donc Ouais, c'est pas non plus une surprise, quoi. non, non, mais après, ils avaient eu des playoffs un peu plus difficiles, où ils ont galéré, ils ont fait être éliminés, contre OKC, au tour précédent, donc, c'était pas si sûr que ça, quoi. Ah, ils ont eu très très chaud enfin, en finale de conf, et puis bon, après. C'est surtout en finale de conf qu'ils ont eu chaud, quoi, parce que avant, ça n'a pas été trop trop compliqué non plus, hein. Mais Et pour info, du coup, les matchs, c'est tous les 3 jours et pas forcément les mardis, jeudi et dimanche. Je dis ça pour ceux qui attendent un mardi soir à 3 heures du mat, pour rien. Et je suis visé. Alors, voilà. Matt, tu vas nous parler de Roland-Garros 2016, faire le point sur la compète qui s'est terminée dimanche, si Bah, je la me trompe compète pas. elle a plu aussi, mais ça doit être sûrement l'un des Roland-Garros les plus cauchemardesques de l'histoire, tout simplement. Ah putain, ça c'est déjà fini, j'ai pas rien suivi cette année, j'ai pas Ah, vu un c'était seul compliqué de match, rien suivre. du tout quoi. Déjà, bah, la pluie, et ça, on en a beaucoup parlé, on va pas en reparler, mais il y a eu des conditions dantesques qui ont aussi joué sur le jeu, parce que quand on envoie pour le coup, une Radwanska, c'est celle que j'ai en tête, une polonaise, qui a pas du tout qui a un jeu très tout en finesse sur de la gadoue, bah forcément, la boîte numéro 2 mondiale, elle se fait vite battre, quoi. Donc c'est vraiment, on les a fait jouer sous la pluie, notamment mardi dernier, pour ne pas rembourser des billets, ce qui est pas très bien. Ouais. Bah, je raconterai vite fait l'anecdote après, mais on leur a un peu manqué de respect là-dessus. Ce lundi dernier, il y a eu la première journée depuis 16 ans sans aucun match, la troisième de l'histoire, donc vraiment, ça a été un Roland-Garros très très compliqué. Au niveau des Français et même des favoris, ça a été compliqué aussi. Mon fils et Federer, forfait avant le tournoi. Nadal qui déclare forfait au troisième tour. Tsonga qui déclare forfait, je crois, au troisième tour ou en huitième, après 2 jeux. Donc vraiment, ça a été très compliqué pour tout le monde, pour les joueurs, pour le public, pour les organisateurs. Il était temps que ce tournoi se termine et vivement l'année prochaine. Et ton gars, il déclare forfait, je crois que c'est en huitième, je crois, mais après 7 jeux, parce qu'il menait 5-2 dans le premier set. Oui, 7 jeux, j'ai dit Je 3 jeux, oui. Mais déclare forfait apparemment pour blessure aux adducteurs, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est vraiment, ça a été la catastrophe de A à Z sur Roland Garros, en fait. Et Et ça du coup, va. qui a gagné, Voilà. du coup? Djokovic. Le Covid, d'accord. Et d'ailleurs, j'ai vu une petite stat, à partir des huitièmes de finale, donc à partir des huitièmes de finale comprises, dans le tableau homme, il n'y a eu aucun match en 5-7. C'est la deuxième fois de l'histoire dans l'ère Open que ça arrive. Ce qui prouve que Ah ouais. même au niveau des matchs, il n'y a pas eu de grand match, quoi. Aucun match en 5-7 dès les huitièmes, c'est tous ces jeux en 3 ou 4-7, quoi. Donc pas de beau match, pas de match tendu, pas de match au couteau au cinquième set, c'est vraiment pas terrible, quoi. Et j'ai vu que tu D'accord. avais quelques photos avec des joueurs et joueuses. C'est lesquels, pour l'anecdote, les plus sympas? Lesquels t'as Ah, trouvé les plus sympas? cette année, les plus cette année, la plus sympa, c'est la Russe Kuznetsova, qui a gagné Roland-Garros il y a une dizaine d'années, qui est 12e mondial, parce qu'elle m'a filé sa serviette et tout. Alors, une serviette propre, pas celle qu'elle avait, alors certes, ils en ont plein. Mais quand tu sais que la serviette à Roland-Garros, elle coûte 70 euros, c'est un beau cadeau. Ah oui, c'est vrai. J'étais content de leur prendre la serviette. Hein. Après, dans les plus sympas, bah, ils sont tous plus ou moins sympas. Kyrgios, qui est pourtant connu pour être une tête de con, il a été sympa avec nous, bah, c'était un double. Donc sur les doubles, ils sont plus détendus. Après, il faut savoir les prendre au bon moment, en fait. Par exemple, il y a un jeune Allemand, Zverev, qui est en train de pousser, qui est sûrement un des futurs cadors. Le mercredi, on l'a pris 1 heure avant son match. Il nous a dit non, il ne nous a même pas calculé. Le jeudi, il était plus détendu, il nous a dit oui, il a fait la photo. En fait, ça dépend vraiment du moment où tu les prends, quoi. Ouais, juste avant les matchs, ouais, c'est La un peu chaud. spéciale, c'est Alizé Cornet, en fait. Alizé Cornet, si tu la prends après une victoire, que ce soit en simple, en double ou en double mixte, elle va être souriante, elle va te parler, elle va faire une photo avec toi. Et si tu la prends après une défaite, c'est même pas la peine, elle va même pas te regarder, quoi. C'est vraiment, elle vit le truc à 200%, quoi. Ah, donc Comme elle perd faut y aller. souvent. Voilà, c'est ça, faut aller la voir dans les 2 premiers tours, parce qu'après, sinon, c'est mort, quoi. Non, moi, je vais la voir en double ou en double mixte. Là, c'était en double. Elle était avec une Polonaise, et donc après, on lui a dit, Alizé, Alizé, une petite photo. Et donc, comme elle avait gagné, elle nous a dit oui. Mais ce jour-là, en plus, on s'est dit, ça va être mort. Elle s'est pris la balle dans le nez. Puis c'est le sang du nez, ouais. Elle avait le nez complètement en sang, elle était mauvaise. On s'est dit, c'est mort, elle va jamais nous faire la photo. Mais comme elle a gagné, elle a dit oui. Bon, par contre, pour avoir une photo que Maria Sharapova, tu vas attendre quelques années, quoi. Mais c'est la seule, je sais pas si tu l'avais déjà vu sur le forum, c'est la seule qui a refusé. Nos photos, nos photos. Donc voilà, si vous voulez quelqu'un de mal aimable, Maria Sharapova. Bah, on a été vengé, elle a pris 2 ans de suspension. Sinon, j'ai fait les photos avec Paul-Henri Mathieu quand même, quoi. L'idole. Et j'ai fait les photos avec ma future épouse, Alizé Lim. C'est ma future épouse. Je vous laisse regarder son nom sur Internet. Je l'ai demandé en mariage sur Twitter, mais elle m'a pas encore répondu. Mais je garde espoir. Elle se fait désirer un peu. Ouais. Ma ex-madame Jérémy Chardy, pour ceux qui connaissent. Et j'allais dire juste pour terminer quand même sur le sport. Donc c'était mardi dernier. Donc en fait la règle c'est qu'en dessous de 2 heures de jeu, tu rembourses 50% des billets. Et à partir de 2 heures de jeu, tu ne rembourses pas les billets. Et du coup ils ont sur le central, c'est le cours où ça coûte le plus cher finalement. C'est là où il y a les places à 150, 200, 300 €. Et donc ils sont arrivés, il restait 1h45 de jeu. Il s'est mis à pleuvoir. Ils ont arrêté sur tous les terrains, sauf sur le central. Ils ont Oh là là là, c'est continué à les faire bizarre. jouer sous la pluie. À 1h59, il s'est mis à pleuvoir des trombes d'eau. Et ils ont fait semblant de discuter pendant 1 minute avant d'annoncer l'interruption. Et Ça m'a enfoiré. dès que la barre 2h01 a été franchie, mesdames et messieurs, le jeu est interrompu. Et comme ça, pas Oh de là remboursement. là là là. Alors, ils ont beau C'est un dire que c'est scandale. involontaire, c'est vraiment trop gros pour être involontaire. C'est un scandale. Oui. Ouais, non, c'est vrai que là, c'est quand même honteux, quoi, ce truc de 2h01, quoi, c'est. Mais bon. C'est un peu voyant. Après, il y a eu Un petit plein peu, quoi. d'autres polémiques, par exemple, sur le fait que le vendredi de la 2e semaine, les 2 demi-finales hommes doivent être sur le court central. Les autres courses, c'est des matchs ou des légendes, ou des doubles, ou des juniors. Et en fait, ils avaient pris tellement de retard, et le circuit féminin refusait d'avoir ces 2 demi-finales femmes reléguées sur un autre court. Donc, ils ont décidé de faire une femme, un homme sur le central, et une femme, un homme sur le court, ce qu'on appelle le court Suzanne Lenglen, qui est le 2e grand court de Roland-Garros. Et au final, ça fait que les gens qui étaient sur le central, ils avaient payé 100 à 150 € leur place pour voir les demi-finales. Et sur le Suzanne Lenglen, les gens, vu qu'il n'y avait pas eu de billets prévus, ils les ont payés 20 €, quoi. Donc, forcément, les gens qui avaient payé leur place 150 € étaient moyennement contents que des gens qui avaient acheté leur place la veille à 20 € voit Djokovic en demi-finale, quoi. Génial, bien organisé quoi. Ouais, bah après, bon, pour le coup, pour ça, c'est pas complètement de leur faute. Il y a eu la pire météo qu'il y a jamais eu à Roland-Garros. Hormis les 2h01 où ils sont coupables, le reste, bon, il Et s'est pas passé c'est grand-chose. vraiment impossible de couvrir les cours? Alors, en fait, c'est vraiment purement politique. C'est-à-dire que le toit, il est prêt. Tout est prêt, Ouais. mais les écologistes de c'est quel arrondissement? C'est le 16e, je crois. Les écologistes du 16e bloquent en justice parce qu'il y a un bâtiment des serres d'Auteuil qui va être détruit. Pas les Ouais. serres d'Auteuil en elles-mêmes, un bâtiment. Et du coup, c'est en bataille juridique depuis 10 ans, quoi. Ça fait appel, contre-appel. Là, dernière décision de justice au mois de mars, je crois. C'est Roland Garros qui D'accord. a perdu la dernière décision. Et il va falloir tout recommencer à début. Parce que ce serait possible, Bah, techniquement, et techniquement, dans le les lois toit, il du est prêt, jeu, c'est quoi. possible, quoi. Bah, en fait, quand le projet il a été annoncé en 2011, le toit devait le premier match sous toit devait être fait en 2016. Donc cette année, les travaux n'ont pas commencé. Ils avaient bien prévu quand même, hein, c'est la bonne année, quoi. Et les travaux n'ont pas commencé. Ah, super, ok. Bon, après, techniquement, on pourra jamais couvrir 15 cours. Donc, si tu veux, le fait de mettre un toit, c'est plus pour avoir quelque chose à la télé. Parce que tu pourras jouer un ou deux matchs en même temps. C'est pas ça En qui te fera permanence, avancer ouais. ton programme. Ouais, mais moi, tu mets les gros, enfin, sur les gros cours, tu Oui, et puis vois, au moins, surtout, t'as on la passe grosse pas pour des compète cons. qui peut avancer, ça fait moins chier les gens, On quoi. passe pas pour des cons à foutre des rics tous les après-midi, quoi. Parce que, Ouais. bon. Bah, Donc, quand tu vois que tous les autres cours ont minimum un toit, voire deux, il y a et que. l'US Open, ça va être la première année, là, il va y avoir le toit, quand même. Ils en avaient pas l'année dernière encore. Donc, Mais donc c'est fou quoi. Et puis même quand tu parles d'agrandissement, enfin Roland Garros c'est le plus petit c'est le plus petit du Grand Chelem au niveau des hectares. Ouais, après, Roland Garros fait 12 hectares et tous les autres font 20 hectares et justement s'il y avait l'agrandissement vers les Serres d'Auteuil ça ferait 20, Roland Garros ferait 20 hectares. Je crois que c'est encore réduit ça. Dans les négociations ils sont passés à 15 hectares. Ils ont accepté de céder plein de trucs pour essayer de faire avancer le dossier et au final ça bloque toujours quand même. Et juste, je vais pas refaire le débat là parce que c'est un peu long, mais en fait, en 2010, la décision a dû être prise. Ils avaient choix entre améliorer Roland-Garros pour 350 millions d'euros ou partir à Marne-la-Vallée pour 700 millions d'euros avec un truc de 35 hectares, 3 cours couverts, 55 terrains, tous avec des projecteurs parce qu'il n'y a même pas de projecteurs à Roland-Garros. Et ils ont eu peur, en fait, de quitter ce qui est un peu l'histoire du tennis. Et ils ont dit, ils savaient qu'il y aurait des problèmes juridiques, mais ils ont dit, on va quand même tenter la solution Roland-Garros, et aujourd'hui, ils commencent à le regretter, parce qu'ils ne voyaient pas de porte de sortie, en fait. Bah oui, d'accord. Et sinon, j'ai trouvé une solution pour eux l'année prochaine. J'y étais 3 jours, j'ai pas eu une goutte de pluie. Donc s'ils veulent m'inviter les 15 jours l'année prochaine, c'est pas un problème. Sinon, en Bretagne, hein, il faisait très beau pendant ouais. 15 jours. Il va y avoir un cours de... Ah non, c'est pas en Bretagne, Deauville. Il y a des nouveaux cours de gazon à Deauville, maintenant. Si vous voulez jouer au tennis sur herbe, vous pouvez aller à Deauville. D'accord. Non, pas à Deauville. Non, c'est bon. Voilà pour le sport. On va passer aux jeux vidéo, à moins que quelqu'un ait un truc à rajouter en foot ou autre chose. On attend l'Euro, donc il n'y a rien à dire. Là. On attend l'Euro. Oui, voilà. Fou, là. Allez, les Bleus. Il y a quand même eu la finale de la Ligue des Champions, quand même. Ouais, ouais. On s'en fout. Real a volé la finale terminée. On le sait. Non, mais oui, on peut en parler en plus, vite fait. Moi, je pense que l'Atletico a montré encore qu'ils n'avaient pas l'expérience nécessaire pour gagner une compétition pareille et que le Real a très bien joué le coup même s'ils ont quand même je pense pas totalement maîtrisé le match. Après je pense que déjà ils font mieux qu'il y a 2 ans clairement parce que par l'Atlético mais ils perdent quand même. Ouais mais voilà je pense qu'ils progressent vachement et je pense que pour les années à venir surtout que je pense que Simeone va rester. Moi, je pense que c'est quand même dommage. Une finale, quand tu la joues, tu joues à fond. Alors, je vois pas trop ce qu'il aurait pu faire de plus, mais étant donné le jeu qu'il a, la philosophie de jeu qu'il a et l'équipe qu'il avait, je pense pas qu'il aurait pu faire mieux. Ça fait quand même 2 finales qu'il rate. Il en aura pas 50 non plus encore des finales, donc c'est dommage, je trouve quand même. Il a un groupe encore jeune, hein. Donc, je pense qu'il va encore au moins disputer au moins une, je pense, clairement, avec ce groupe-là. Donc, s'il y arrive, si c'est possible, maintenant, un groupe jeune, bon, voilà, il y a les Juan Fran et Gabi, ils ont pendant plus 25 ans, donc, ça commence aussi un peu à voir. Moi, je le souhaite, hein, parce que j'aime bien le mec, j'aime bien l'équipe, on en avait parlé la dernière fois. Mais, c'est dommage, c'est un peu dommage, parce qu'ils sont quand même passés à côté d'un truc de fou, avec, un peu plus de chance, un peu plus de maîtrise, un peu plus d'expérience, ils auraient pu faire un sacré doublé. Ouais, c'est, ouais. Bah, même en championnat, déjà, ils ont foiré aussi, mais, Ouais. Par contre, l'arbitre, il a été gentil en début de match, quoi. Parce que putain, les tags de tarés, quand même, qui sont mis, c'est un truc de fou, quoi. Oui. Et les deux, hein. Oui. Et les deux, hein. Côtés, c'était des grands, putain, ils vont pas finir à 11, quoi. C'est pas possible. Bah, en fait, si. Mais comme on voit, le foot espagnol est bien au-dessus des autres, hein. Ouf. Ouais, quand même. Ouais, c'est par cycle. On verra quand l'Espagne gagnera l'Euro, une nouvelle fois. Sinon, je ne crois pas possible cette année. Bah, vu qu'ils ont perdu face à la Géorgie, je ne crois pas non plus. Non, mais ça, on s'en fout, ça peut arriver, tu vois, mais j'y crois pas, c'est une fin de cycle. Je pense que ça me manque un peu d'une sacrée relève derrière. Voilà pour le sport. Alors, je vais faire un petit tour d'actu des jeux vidéo pour ouvrir cette rubrique. Alors, il y a trois gros jeux qui sont sortis en mai. Donc, il y avait Uncharted 4, le jeu de l'année pour les possesseurs de PS4. C'est un jeu qui n'a pas déçu, il est très bien noté par tous les critiques. Le jeu n'a pas changé, c'est toujours jeu d'action, vachement rythmé, spectaculaire, avec très peu de gameplay, en fait. Enfin, un gameplay limité, on va dire. C'est le blockbuster des jeux vidéo. Alors d'après ce que j'ai observé, c'est un jeu qui est un petit peu moins bien que Uncharted 2 d'après les critiques, mais ça reste un très très grand jeu pour tous ceux qui ont une PS4 et qui connaissent forcément la saga, donc faut pas hésiter. Alors il y avait Doom aussi, mais aussi on parlera juste après. Tout à fait. Enfin, il y a Overwatch, c'est un FPS sur PC, PS4 et One. C'est un FPS orienté multijoueur plutôt. Donc il y a quelques reproches sur les modes de jeu limités, mais c'est un jeu qui a une communauté qui est très très active Et donc tu permets toujours de s'éclater. Bah, comme à chaque fois que Blizzard sort un truc, de toute façon, ils arrivent quand Oui, même voilà. à maîtriser une horde de fans derrière qui suivent. Mais bon, ils s'en sortent bien, ils font quand même des jeux généralement de très très bonne facture, donc c'est mérité, quoi. Ouais, puis on peut être sûr qu'avec eux, il y aura un suivi complet Il y sur le aura du jeu. contenu, il n'y aura pas de problème. Bah d'ailleurs, on peut voir sur le forum, il y a Ferdi qui s'éclate déjà beaucoup dessus et je pense qu'il s'éclatera encore pour un bon moment. Donc si vous voulez le suivre dans ses aventures. Et quand il veut, il va faire un podcast lui aussi. Ouais, je me demande si on n'avait pas fait un sur Manager Online. Je sais pas là, moi, je veux qu'il vienne maintenant. Ah, il doit être dans le groupe en plus, il doit pouvoir s'inviter sans souci. Il fait son timide. Ouais. Alors bah du coup on va passer à toi, Oshi, pour parler Ouais. de Doom FPS sorti en mai. Sorti en mai, ben Doom, c'est bon, ben pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même une énorme franchise du jeu à la première personne. Ça a été un des premiers d'ailleurs, un des premiers du genre, avec le tout premier Doom qui était sorti en 93, édité par ID Software à l'époque. Ça avait fait une sacrée révolution à l'époque au niveau d'une 3D isométrique et de bon de jeux de couloirs et de labyrinthes avec des monstres à tuer et puis avancer. Il y a eu des suites vite fait, il y a eu un Doom 2 puis sur le même moteur, pas mal de petits jeux. Ça a un peu baissé de pied au milieu des années 90. Ils ont sorti un bon Doom 3, c'était en 2003 je crois, en 2004, qui avait quand même pas trop mal marché avec un sacré joli moteur de jeu. Et donc c'est en 2005, voilà, il est sorti et du coup ben voilà, 11 ans après, on a le nouveau Doom qui est alors censé être Doom 4 plus ou moins, mais ils ont décidé de plutôt faire un reboot comme ils font plus ou moins à chaque fois en fait au niveau de l'histoire. Moi j'attendais avec impatience parce que quand j'étais gosse, je jouais beaucoup beaucoup de premier Doom. Doom 3 j'ai beaucoup joué aussi et j'attendais quand même au tournant parce que mine de rien, ID Software, donc c'est toujours la même boîte qui fait le jeu, était un peu attendu au tournant parce qu'ils sortent quand même très très très peu de jeux. Moi je trouve que là c'est développé par ID Software mais édité par Bethesda Software, Bethesda qui fait notamment aussi toute la lignée des Elder Scrolls qui marche vraiment bien Comme et du Fallout, et des tout ça. Fallout et donc quand même pas mal de jeux qui marchent très bien et du coup j'attendais vraiment avec impatience. J'ai changé ma carte graphique il y a quelques mois, du coup je voulais vraiment tester et j'ai vraiment pas été déçu en fait. Je voyais un peu les critiques un peu mi-figue mi-raisin à dire que c'était quand même bien, c'était quand même dynamique, mais bon c'était pas original, c'était quand même trop à l'ancienne. Bah franchement j'ai trouvé des super sensations parce que moi je suis quand même assez relou sur les FPS, faut quand même que ça a quelque chose de particulier. J'ai testé que le mode solo, j'ai quand même bien avancé, mais avant de me péter le poignet, du coup là je peux plus jouer depuis 2 semaines, c'est un peu dommage, je peux pas avancer le jeu. Mais il est super bien optimisé, c'est-à-dire que même moi j'ai pas forcément une bête de fou, il est ultra beau, il marche vraiment super bien. Le jeu est vraiment ultra dynamique, c'est-à-dire que ça va vraiment super vite, on peut se donner dans tous les sens, c'est super bourrin dans le gameplay, tout en même temps étant assez, comment dire, faut quand même assez faire gaffe à ses munitions, faire gaffe là où on va, parce qu'on peut facilement se faire soit surmener et facilement exploser par des gros machins. Et voilà, du coup, la plupart des critiques étaient quand même un peu mi-figue mi-raisin. Moi, j'ai eu notamment la note d'un jeuxvideo.com qui lui mettait 14 sur 20. J'ai quand même trouvé ultra, ultra sévère, parce que quand je vois qu'il notait Rage à 18 sur 20, alors que j'avais trouvé ça vraiment relou, parce que c'était vraiment super labyrinthique, super tunnel. Alors ici, pour le coup, ça reprend vraiment, sans prendre pour autre chose, les mécaniques du FPS à l'ancienne, c'est-à-dire vraiment du labyrinthe, même si ça avance vraiment par tunnel et qu'il n'y a pas vraiment un grand monde ouvert, il y a vraiment toutes les mécaniques à l'ancienne qui marchent vraiment bien. Au final, ça rend vraiment un jeu qui est vraiment super super intéressant à jouer et qui pour le coup n'est pas trop horrifique, ce qui me plaît bien parce que moi j'ai peur, très facilement peur dans les jeux. Je suis incapable de jouer à un Resident Evil ou à un Dead Space parce que dès que je sursaute, ça me stresse et j'arrive pas à jouer. J'avais un peu peur de ça, qu'il soit un petit peu trop horrifique, et ben pas du tout en fait. Il est très bien fait pour, c'est bien équilibré. Dès que tu te fais un peu sursauter, ce qui arrive quand de temps en temps, tu mets deux, trois gros sabres de fusil à pompe, ça calme assez vite. Et voilà, très agréable à jouer, je vous conseille vraiment de le tester. Il finit assez vite, je crois, en 10-13 heures de jeu. Moi j'ai hâte de le finir du coup quand j'aurai plus de plâtre pour pouvoir continuer à y jouer. Mais voilà, moi je vous tente vraiment de le tester, il est sorti sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Ouais, ce que j'avais noté, moi, c'est que les critiques étaient très timides sur les previews, même les tests étaient un peu timides, mais tout Ouais. de suite après, en fait, il y a eu une espèce de hype un peu où ils se sont dit, ah merde, c'est vrai que les Ah oui, c'est joueurs quand même répondent pas si mal. beaucoup, Ouais. et Non, ouais, on s'éclate bien, en fait. mais même Naufrag, que je suis toujours pas mal, qui est un site de communauté sur tout ce qui est FPS, sont quand même généralement assez puristes et assez râleurs sur certains points, ont finalement dit que non, bah en fait, ouais, non, c'est bien, on s'éclate bien, c'est un bon jeu. Moi, j'ai retrouvé un peu les mécaniques que j'avais bien mis dans Shadow Warrior, dans le reboot qu'ils ont fait il y a quelques années, j'entends beaucoup le 2, c'est-à-dire vraiment, à un moment, en fait, t'as envie d'avoir un FPS, il est joli, t'as envie qu'il soit bien dynamique et de bourriner. Et puis, moi, je trouve que ça marche vraiment très bien, c'est très, très plaisant à jouer. Parfait. Matt, tu vas nous parler de Plague Inc. C'est donc un jeu sur PC et mobile, je crois. Alors, la version mobile, Enfin, Mac. c'est Plague Inc. Et la version PC, c'est Plague Inc. Evolved, ou Evolved en français, si je sais pas le dire, voilà. Il vaut 14,99 sur ordinateur, je sais pas, j'ai pas testé la version mobile, donc je sais pas combien elle coûte sur mobile, mais ça doit être Ouais, moins je crois cher. que c'est moins cher, ça doit être genre 4 euros, quelque chose comme Voilà. ça, mais il est moins complet. Et donc, pour faire simple, je suis pas très doué, pour expliquer les jeux, on incarne un virus et on doit tuer l'humanité. Voilà, en gros, c'est très joyeux, quoi. Comment ça s'appelle, tu dis? Plague Plague. Inc. Evolved sur PC et Plague Inc. sur iPhone. Alors, Ok. le principe, c'est qu'en fait, on gagne des points. Alors, c'est plus un. Tu l'as testé, Steven? Non, pas du tout, mais j'ai entendu parler. Je ne saurais pas comment décrire, c'est pas un jeu de plateau, mais en gros, on doit gagner des points et en gagnant des points, on améliore notre virus. Et. Il y avait plein de versions un peu arcade de ça, un peu dans les sites comme Kongregate où ils font beaucoup de petits jeux en flash. Et ça avait pas mal commencé avec des petits jeux comme ça justement. Et je trouve ça super sympa à jouer. Et en fait, après, du coup, la recherche commence contre notre virus pour essayer de guérir, de trouver un vaccin ou un remède. Et le but, c'est de tuer l'humanité, en fait. Et donc, il y a plein de sortes de virus. Donc, il y a des virus où il faut rester caché le plus longtemps possible, sans symptômes, en fait, pour infecter un maximum de gens dans la population. Une fois qu'on a infecté un grand nombre de gens, il faut là mettre très fort que le virus devienne mortel pour tuer tout le monde. Il y a d'autres virus où il faut se montrer très fort très tôt. Il y a là, je suis à une étape où le virus, en fait, ça transforme les gens en zombies. Et donc après, les zombies doivent lutter contre les humains, etc. Donc c'est un petit jeu sympa, en fait. Et il y a plein de, on se dit, au bout d'un moment, on a fait un virus, on a fini la partie en 10 minutes, mais il y a plein de De niveaux. variantes. Voilà, de niveaux, de variantes. On incarne des virus, on incarne des bactéries, on incarne, voilà. Et c'est assez sympathique, quoi. Alors c'est pas le jeu du siècle, mais ça passe bien. Alors moi, comme je dis, la version, ordinateur, mais ça doit être sympa aussi sur la version mobile, même si elle est moins complète. Voilà, c'est assez sympathique, quand même. Très bien. Voilà pour les jeux vidéo. Max, t'as rien? Non, j'ai rien. J'ai pas de. Ok. On va passer aux Je suis en séries. train de torcher FM, donc voilà, j'ai rien de. Ouais, je pense les gens le connaissent un petit peu. J'ai pas Un joué une peu, fois ici. à FM cette année, quand même. Oh, il est bien, pourtant, il est C'est bien. Il est deux ans, moi. facile cette année, il est Je sais pas facile, si c'est j'ai mal bien. cette année. On va passer aux séries avec Oshi qui va nous parler de Person of Interest, la saison 5, dernière saison d'ailleurs. Oui, j'attendais. Ben, en fait, c'est cette série. Je sais plus si j'en avais parlé dans un podcast précédent ou pas. J'avais vraiment découvert un peu par hasard. Je voyais qu'on en parlait, tout ça. Je voyais que les gens en parlaient. Le pitch m'avait vraiment pas plus que ça. Et un jour, je sais pas, un jour de disette, je me suis lancé dedans et puis j'ai vraiment ultra accroché parce que c'est bien écrit, parce que c'est bien joué, parce que Michael Emerson et comment il s'appelle Jim ah Caviezel. Jim Caviezel, je trouve ils incarnent à merveille vraiment leur rôle. Et du coup, on se laisse vraiment facilement prendre. Et du coup, bon voilà, ça s'est bien monté dans les tours. Ils attendaient un petit peu, attendaient un petit peu autour avec la fin de la saison 4, voir un peu comment ça allait partir de la saison 5, parce que ça pouvait que un peu partir vraiment en couille vu que c'était la fin, vu que ça partait. Et du coup, bon, j'ai un peu binge les 8 premiers épisodes de la saison 5. Du coup, on aura 16 épisodes, je crois, un truc comme ça, ou moins, je sais plus. Il y a 13. 13 épisodes, du coup, là, on s'articule vraiment autour de la fin. Je trouve que ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place, même si ça commence un peu à se préparer. Et ce serait bien qu'ils aient vraiment à faire un joli final, comme ils savent faire, dans toutes les séries qui sont produites comme ça, et créées par J.J. Abrams, encore une fois, où ça tourne vraiment toujours bien, tourne bien, de façon bien émotionnelle et bien grandiloquent, comme ça, dans un truc un peu dystopiste. Voilà, moi j'attends bien que ça tourne. Apparemment, sans lire vraiment les spoilers, j'ai vu qu'autour du 9 et 10, ça commençait vraiment à se mettre en place pour la fin. Du coup, j'avais hâte qu'il nous fasse un beau final pour vraiment clore comme il faut une jolie série qui au final a vraiment été sympa, même si elle a vraiment pas forcément remué les foules. Je trouve qu'il vraiment il y a vraiment du potentiel de revisionnage et que c'était vraiment en tout cas une jolie série. Ouais, j'ai toujours aimé le côté un peu paranoïaque, espionnage avec des scènes d'action. Et le côté bon à faire de la semaine, c'est pas toujours génial, mais ça construit quand même une sorte de mythologie C'est ça. qui est Oui, bien en fait. parce qu'au final, c'est quand même. Moi, j'ai un peu peur qu'il y avait beaucoup de l'honneur en fait et des épisodes un peu tout seul. Et au final, ça s'articule quand même toujours autour du truc. Et il y a quand même des twists un peu super. Moi, le twist d'Elias et le twist de Dominique, ils m'ont rendu fou. Je les trouvais vraiment super bien. Et même si, au final, quand tu y repenses, bon, c'est quand même facilement amené. Mais je sais pas, c'est toujours bien. Je suis assez naïf sur les séries comme ça. Je me laisse porter facilement. Et puis j'aime bien aussi toutes les parties à ce humour. C'est quand même super léger. Il y a toujours des feintes Et je sais pas, moi je trouve vraiment que c'est bien écrit, et je me suis toujours vraiment régalé avec cette série en tout cas. Bah moi j'ai vu le 10 il y a pas longtemps, c'est un des meilleurs de la série, donc Eh bah super. ouais, il est violent et Michael Emerson est absolument magistral dans cet épisode. Génial, encore une fois. Non mais il est très très bon Michael Emerson, que j'ai Ouais, découvert dans Lost en tout cas. mais tu vois, on a tendance à oublier qu'il est bon des fois, parce que bon, son rôle, voilà, c'est un peu une routine dans les séries comme ça. Mais alors là, il sort un monologue de, je sais pas, 5 minutes qui est, qui te fout une claque, quoi. Extra, eh bah j'ai hâte. Voilà, on va passer à Marseille avec Matt, série Netflix. Que j'ai commencé par curiosité malgré les critiques extrêmement négatives Il y sur a Vincent Internet. Labrune dedans ou pas? Même pas. Dommage. Enfin, il y a un mafieux qui gère un club de foot, donc ça correspond quand Ah même. ben voilà. Je trouve que ça lui va plutôt bien. Et quoique lui, il est même pas assez intelligent pour être mafieux. Pardon, je ne veux pas de procès aujourd'hui. Et donc, non, Marseille, c'est... Attends, oui, non, c'est bon. Marseille, c'est un peu trop, comment dire, romancé, en fait. J'en suis à l'épisode 7, que je vais voir après, là. Donc, je suis quasiment à la fin de saison. C'est un petit peu trop romancé, je trouve. C'est un peu trop... ils ont... Faire une série politique, c'est bien, mais c'est un petit peu trop dallas en même temps, quoi. Ouais. Et en... Ils avaient voulu faire une sorte de House of Cards, en fait, plus ou moins, mais Ouais, mais il y a trop de... Alors, je peux pas trop spoiler, donc c'est un peu compliqué. Mais en gros, il y a des trucs un peu trop, tout simplement, quoi. D'accord. C'est... Bon, après, je sais pas s'il y a du monde qui regardera, mais moi, j'ai pas Bah, vu du tout, ça je sais pas m'intéressait comment... pas, Bah, je déjà. spoil ou je spoil pas? Bon, tu peux spoiler un peu, pas la fin, mais je sais pas, le premier tiers, par Ouais, bah, exemple. en On gros, dira ce qu'il y que a je des vais dire là, spoilers. on apprend ça à l'épisode Je crois 5. qu'elle... Donc, Ouais. c'est pas non plus... Bah, Voilà. vas-y, ouais. Grosso modo, il a... En gros, c'est le maire de Marseille qui se retrouve à combattre son ancien adjoint, son ancien premier adjoint, quoi. Et pour la campagne, pour être réélu. Et t'apprends à l'épisode 5 que son ancien premier adjoint, c'est son fils caché. Tu vois, c'est un peu trop gros, quoi. Ah Ah, oui. ah ouais, d'accord. Waouh! Ça fait un peu trop Dallas, quoi. Oui, c'est clair. Et puis tu vois les trucs venir d'un peu trop loin aussi. Donc je vais terminer quand même par curiosité. Et puis l'accent, Benoît Magimel, et son accent marseillais, c'est quelque chose, quoi. C'est un peu trop, quoi. C'est vraiment, c'est surjoué, quoi. Oh, un peu C'est cher. dégueu. C'est exact. Non, mais t'imagines même pas comment c'est surjoué. C'est vraiment, voilà, c'est pas mal, quoi. Et par contre, Netflix ne se fie pas aux critiques, parce qu'ils ont déjà annoncé une saison 2. Donc, au moins, ils sont dans leur botte, quoi. Ils continuent droit. Ils laissent au moins à la Ouais. série le temps de s'installer, ce qui est pas mal, quoi. Mais voilà, donc, j'ai terminé. J'ai a priori, moi, je suis fan de tout ce qui est série politique. Je me suis fait House of Cards, je me suis fait Boss, je m'en suis fait une autre chose que j'ai oublié, Borgen, qui est danois. Je m'en suis fait pas mal des séries politiques. Donc, voilà, mais celle-là, comme je dis, elle est un peu trop Dallas, quoi. Très bien. Moi, je vais parler d'une comédie pour changer. C'est The Detour. Je crois The Detour, pardon. J'en avais un petit peu parlé dans le précédent podcast, il me semble, genre 10 secondes. Alors, c'est une comédie de TBS avec Jason Jones et Nathalie Zéa. C'est centré sur une famille qui part en road trip au lieu de prendre un avion et traverse en fait les US du nord-est à la Floride. Et donc on passe par des États qui sont un petit peu des gros paysans, on va dire, des gros rednecks. Et donc il leur arrive plein de merde, comme on peut s'y attendre, genre la voiture qui tombe en panne, le réparateur qui est un gros boulet, etc. Mais la série aussi a un petit propos plus politique ou plus provocateur en fait, avec les coutumes locales de certains États. Donc on a par exemple un épisode sur le racisme. Ça va très très loin, et puis sinon il y avait un épisode sur un mariage avec des personnes mineures qui est vraiment très tendancieux. En gros, voilà, c'est une comédie qui va vraiment très loin dans l'humour, vraiment qui pousse les limites, et moi ça me fait beaucoup rire ça, quand on teste vraiment les limites du public, ou même de moi, même si je pense avoir une certaine tolérance, des fois c'est violent. Et donc ça change un peu des autres comédies classiques qu'on trouve aux États-Unis. Voilà, par exemple, j'avais noté, ils parlent à leurs enfants de l'avortement qu'ils avaient envisagé à un moment, donc ça met un petit peu dans l'embarras les gamins, donc c'est assez marrant, et puis c'est vrai que c'est assez original dans l'univers américain. La fin de saison est un peu moins inspirée, mais ouais, c'est une série qui m'a offert des gros fou rires, donc ça arrive pas si souvent, donc ça vaut le coup, ça se tente, c'est 10 épisodes, Ça va et vite, c'est ça s'enchaîne vraiment, pas. ouais, c'est vraiment à tester. Et donc, Matt, tu vas nous parler de Quantico. Bah parce que la saison c'est fini, donc j'en dis un petit mot quand même. C'était un peu long, quoi. En fait, ils sont partis dans tous les sens, sans avoir d'idée en tête à la base. Du coup, ça partait un peu dans tous les sens. Tout le monde était un peu coupable. Or, pour rassurer ceux comme Steven, qui n'ont pas eu le courage d'aller jusqu'au bout, il y a bien un coupable à la fin. Il y a pas Ouais, un. j'ai regardé qui avait fait en fait. Voilà, il n'y a pas un teasing de ouf pour finir, quoi. Mais c'est dommage que j'avais vraiment bien aimé le synopsis. Ouais, pour rappeler, c'est quoi, pour ceux qui nous Oui, bah, écoutent? grosso modo, c'est que on suit la formation à Quantico des nouveaux agents du FBI, et 6 mois ou 1 an après, je sais plus, il y a un attentat, et ils ont une information comme quoi le coupable est un des élèves qui a été formé à ce moment-là. Donc en gros, on les suit tous, lequel est coupable, voilà, c'est ça en gros. Je sais pas, t'expliqueras peut-être mieux que moi, mais et en gros, c'est Non, ça. Et le problème, c'est que la série, en fait, il y a deux trucs qui vont pas, c'est que déjà, voilà, premièrement, au bout d'une dizaine d'épisodes, ils ont ramené des nouvelles recrues d'un coup parce que tout le monde avait déjà été soupçonné, donc ils se sont dit, comment on va faire? Donc ils en ont ramené 10 nouveaux, quoi. Et ensuite, le deuxième truc, c'est qu'au début, c'est pas mal, on les suit en même temps pendant leur formation et en même temps au moment des attentats, en fait. On a grosso modo la moitié de l'épisode qui est 6 mois avant et la moitié de l'épisode qui est 6 mois après. Et ça, c'est sympa au début, mais quand à l'épisode 20, c'est toujours la même chose. Je crois que c'est toi qui l'avais dit, Steven, quand tu vois des gens qui sont morts par la suite, tu les vois en formation, ça ressemble plus à grand-chose. À un moment, tu te mélanges un Ça a peu. l'air chiant, Bah, l'idée de base était bien, mais ils l'ont mal réalisé, quoi, on va dire. hein. Ouais, et puis ça va tellement vite, en fait, dès le début, il y a machin qui couche avec un autre, et puis en fait, il a 50 000 mensonges, il cache plein de trucs. Et en fait, au bout de 6 épisodes, ils étaient à court d'idées, en fait. Ils ont Ouais. improvisé derrière, c'était pénible à la fin. Ouais, c'est ça. Mais bon, il y a au moins un coupable. Si vous avez le courage de, il y a un coupable. Et donc, j'allais dire aussi, a priori, je suppose qu'il y aura une saison 2. Ouais, Parce que c'est terminé. c'est pas un teasing de ouf, mais il se passe un truc à la fin qui laisse supposer qu'il y aura une saison 2. Par contre, les actrices dans cette série sont vraiment très très bonnes. Dans Pas forcément pour leur leur talent jeu d'actrice, bien d'actrice, mais entendu, hein. ouais. Non, j'aime bien le casting féminin, il est vraiment très très sympa. Ouais, Mais je bon, ça n'a confirme. pas suffi à me garder. Non, mais je confirme qu'il est sympathique. Mais voilà, moi, a priori, sauf si j'entends vraiment du bien sur les 3-4 premiers épisodes, il est peu probable que j'enchaîne avec la saison 2 quand même. Effectivement, je viens de voir le casting féminin, il est plutôt sympathique, effectivement. Ouais, Max, est-ce que tu as une série? Tu avais rien noté, mais est-ce que tu as un truc en tête là? Bah, en tête, ouais, enfin, là, j'ai une série, effectivement, je suis pas mal en ce moment, c'est Scorpion. Ah oui, sur M6, non? Ouais, elle est pas sur M6, effectivement, c'est une série, en fait, c'est. Alors, au départ, c'est une histoire vraie, au départ, hein, bien sûr. En fait, il y a un gamin, alors je sais plus de quelle origine il est au départ. Et en fait, à 11 ans, il arrive à hacker le site, quand même, de la NSA, donc c'est quand même pas mal. Et en fait, ben en fait il se fait arrêter, voilà. Plus tard, en fait, après tu le suis plus tard quand il est plus vieux, et en fait il bosse pour la bah pour les services secrets américains. Il les aide à résoudre des affaires, voilà, puisqu'il faut il a quand même un QI de 197, Ouais, comme moi, quoi, à peu près. qui est quand même pas mal, quoi. C'est voilà. Donc non, c'est franchement sympa, T'as que voilà. 197, toi. Bah bon, Voilà, dans mes jours sans, quoi, on va dire, moi je vais dire du mais. mal de la série, en fait, parce que j'avais commencé à regarder, et si je dis pas, ça doit être le premier épisode, ou peut-être le deuxième, où à un moment il branche l'ordinateur portable qui est dans l'avion au niveau de la voiture. C'était un peu trop gros pour moi, quoi. En gros, il y a un ordinateur dans un avion, eux ils sont sur une voiture sur la piste, et ils branchent un câble USB entre l'avion et la voiture. Oui, Ça faisait oui, j'avais fait ça. un peu trop gros pour moi, et du coup j'ai décroché parce que je me suis dit, oh là, on va être en plein dans le réalisme, là. Donc j'ai décroché après 2-3 épisodes. Alors si je me rappelle bien, c'est une série donc avec une affaire par semaine et qui tape plutôt dans l'humour, on va dire. Ça, c'est Ouais, assez léger. c'est léger, ouais. Et là, le casting féminin est pas mal non plus, hein. Ouais, c'est Catherine Catherine McPhee, McPhee, ouais. voilà, qui. Ancienne chanteuse, je crois. C'est ça. Qui est pas Culture mal non Intact. plus, quoi. Hein. Non, ouais, franchement, Il c'est pas mal. est attaqué. On va passer au cinéma avec Matt. Alors, tu n'as rien noté dans le sommaire, mais tu voulais évoquer. Non, mais c'était pour dire quelque chose, mais le seul film que j'ai vu, c'est Les Touches 2. Alors moi, je veux bien vous en parler, hein, Ah, mais vas-y, vas-y, parle-en. mais bon, après, voilà, faut pas le prendre au... faut le C'est la prendre suite du 1, je parie. au... Ouais, comment t'es balèze. Là, Eh on le sent, le QI de 197, là. Là, tu vois, là, on le ouais. sent. Il est aussi Non, bah, il est aussi pour être le premier, je bah, suppose. bizarrement, il est moins bien que le premier. Bah, le premier, en fait, faut le prendre Bah, vraiment au quatrième degré, quoi. Si tu le ça prends... promet, parce que le premier, j'ai pas aimé, alors le deux... Bah, le premier, si tu le prends au quatrième degré, tu peux rigoler, quoi. C'est un peu comme Re ou des conneries comme ça, quoi. Faut pas y aller avec l'idée de voir un film poétique, quoi. Mais là, il y a un peu plus de longueur, un peu plus de trucs un peu trop prévisibles, on va dire. Et du coup, voilà, je l'ai trouvé un peu long. Et le problème, c'est qu'il dure que 1h20. Et pourtant, je l'ai trouvé un peu long. Ah Donc, ouais, c'est c'est, oui, c'est, problématique. Mais voilà, grosso modo, il l'aurait compacté en 1 heure, ça aurait presque été mieux. Donc voilà, Ah, je vois comme. qu'il y a Jean-Paul Rouve au casting. Ouais, bah c'est Et lui c'est le. fait par C'est Olivier lui. Barou, c'est C'est lui le Monsieur c'est le Tuche. cadet Olivier. Ouais, c'est ça. Et dans le Ok. premier, il y avait Pierre Ménès. Ah oui, oh la vache. Oh là là, Ouais, quand du même, mieux coup, dans bah, je vais pas le voir, Amortissant. tu Ah ouais. Non, mais vois. ça va, il joue 2 minutes. Hein. C'est vrai Deux qu'il y minutes était, c'est vrai. de trop, 2 minutes Non, mais le premier, il était. Enfin, ça passait, quoi. Bon, comme je dis, c'est pas un film non plus, voilà, mais ça passait. Et là, il est. Bon, ça passe aussi, tu me diras. Mais il est un peu long, et puis voilà. Les blagues sont un petit peu trop. Mais en fait, c'est un peu les mêmes blagues que le premier, donc c'est répétitif, quoi. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai pas regardé beaucoup de films ce mois-ci. Mais Mais. ouais, personne d'autre a vu de film. Bah non, moi je regarde des séries, c'est mieux. Donc Ouais. On va passer au bouquin alors. On va regarder Oshi qui va nous parler de Cimetière de Stephen King. oui, bon, moi je l'ai pas fini, mais c'est pas grave, j'en parlais quand même. Non, mais c'est que du coup j'attendais impatiemment le 1er juin pour la sortie en poche du tome 2 de The Expanse, parce que j'en ai parlé la dernière fois, j'étais en plein dans The Expanse, la nouvelle saga mène à la mode de science-fiction qui est vraiment pas mal. Donc je l'ai commandé hier, j'ai reçu aujourd'hui. Du coup j'attends un petit peu. C'est qu'en attendant, comme il faisait beau, c'était l'été, j'ai un peu cette tradition de lire des Stephen King pendant l'été parce que j'aime bien, je les bouffe assez vite, qu'il en a fait des tonnes et des dizaines, et que j'ai toujours bien aimé l'ambiance. Et du coup, en furetant un peu dans ma bibliothèque, j'en ai quand même pas mal, j'ai vu que j'avais Cimetière, j'avais toujours pas lu, je sais pas trop ce que c'était. Du coup je me suis dit, allez, c'est bon, c'est parti, on va tenter un peu ce que c'est. Donc Cimetière, c'est un livre qu'il a écrit en 83, qui est un livre qu'il a sorti quand même après Carrie, après Shining ou Le Fléau, mais avant d'autres gros trucs comme ça, ou comme Bazar, ou La Ligne Verte. Donc c'est du Stephen King, hein, ça met toujours énormément de temps à se mettre en place avant de se libérer et de partir totalement en couille. Grosso modo, c'est l'histoire d'un jeune médecin de Chicago qui vient déménager avec sa femme, sa fille et son petit gamin dans une petite bourgade du Maine. Ça se passe toujours dans le Maine, Stephen King. Il se trouve qu'il se lie très vite d'amitié avec son voisin, qui est un vieux, un octogénaire très sympa, très paysan. Et puis voilà, c'est Stephen King, ça commence tout doucement. Il trouve que tout pas loin de derrière chez eux, il y a un sentier dans la forêt qui amène jusqu'à un ancien cimetière pour animaux que tous les gamins autour de la petite bourgade viennent enterrer depuis des années. Et puis un jour, il se trouve que le chat de la famille se fait écraser, c'est le chat de la petite fille. Pendant ce temps, la petite fille était pas là avec sa mère et son petit frère. Ils étaient partis en vacances de Noël chez les grands-parents. Le médecin était seul chez lui. Il voit le chat se faire écraser. Le vieux voisin lui dit, attends, viens avec moi, si ta fille elle aime bien son chat. Et puis en fait il l'amène encore plus loin que le cimetière des animaux, jusqu'à un ancien cimetière indien, et il enterre le chat. Et le lendemain le chat revient, mais il est un peu tout zombie, tout bizarre, et il pue. Et on se doute bien que ça a commencé à partir en couille un petit peu plus tard. J'en suis pas encore bien loin, j'ai lu plus de la moitié, je sens que ça va bientôt partir en couille, je me suis un petit peu spoilé. Et bon, bah voilà, comme tout Stephen King, c'est toujours très très sympa en lecture d'été, ça se mange déjà en une semaine ou deux. Et voilà, toujours très sympa. Je conseille comme la plupart des Stephen King, Ouais, il y a souvent des trucs en été comme ça qu'on tolère vachement bien, qui font du bien, et puis Ah ça prend pas ouais, la ça tête. passe. Exactement. Stephen King, ça marche toujours très bien. Ben voilà, je vais enchaîner avec Barakamon, un manga japonais. J'ai pas noté l'auteur et tout, hein, j'ai fait à l'arrache. Donc c'est un manga que j'ai piqué à mon frangin. C'est une comédie en fait sur un jeune adulte qui est calligraphe professionnel, apparemment sur un truc assez sérieux au Japon, pardon. Qui est envoyé sur une île de Bouzeux en fait par son père parce qu'il a frappé un juge dans les compètes de calligraphe. Et sur l'île, il devient vite en fait le chouchou de la population locale, en particulier une gamine qui s'appelle Naru. C'est une fille qui a peur de rien et donc qui contraste un peu avec le héros un peu coincé, quoi, coincé du cul. Alors je lis ça en fait en alternance avec Tokyo Ghoul. Parce que bon, Tokyo Ghoul, c'est un univers très sombre, avec des meurtres, des viols, etc. Donc ça change un peu les idées d'avoir une comédie légère. C'est un petit manga qui a pas une grande ambition, mais qui en fait a une bonne utilité. Ça permet d'apprendre la culture japonaise, surtout la ruralité là-bas. J'ai appris des choses sympas sur les cérémonies de funéraires, sur la pêche ou des fêtes qu'ils organisent chaque année. C'est vraiment rigolo. Tu ris pas franchement tout le temps, mais il y a des moments vraiment sympas. J'ai bien ri notamment sur l'attaque du thermomètre d'un des gamins. À peine il découvre le gamin, le mec qui vient derrière lui, il lui fait une attaque du thermomètre, donc il fout les doigts dans le cul. Donc ça a bien fait marrer. Sinon il y a un quiproquo sur la relation entre le héros et un autre gars. Il y a une fille qui dessine des mangas qui croit qu'ils sont homosexuels en fait. Et bon, tout ça, voilà, c'est des trucs vraiment marrants de temps en temps. Et puis ça s'enchaîne vachement vite. Je suis déjà au tome 8, ça fait même pas un mois que j'ai commencé. Donc pour se détendre entre deux mangas un peu dark, c'est sympa. Et voilà pour les bouquins. Matt et Max, vous avez rien à noter? Bah moi je suis en train de commencer un livre, donc enfin je l'ai juste commencé, donc je peux pas vraiment en parler parce que je voilà je connais enfin je commence juste à l'histoire. C'est Enfant 44, c'est un film, c'est un livre assez assez sombre hein. C'est en fait, pour compter un peu, enfin ce que j'ai lu, fait le résumé, c'est le résumé qui m'a fait aller vers ce livre parce que je connaissais pas du tout. Apparemment il est sorti en film mais je l'ai pas vu. En gros, c'est à Moscou en 53, en fait il y a un corps d'un gamin qui est retrouvé sur une voie ferrée. Et à l'époque, les meurtres n'existent pas, bien sûr. Soit des accidents, soit des suicides, mais il n'y a pas de meurtre chez eux. Et en fait, donc bah l'affaire est classée. Après, le flic, Léo, bah, plus tard, il retrouve un autre gamin, quoi. Donc il commence à se poser des questions et tout sur bah est-ce que c'était vraiment il retrouve un gamin. Le gamin, c'est vraiment le même. Enfin, le même que celui retrouvé en 53, donc il se posait des questions. Bah sauf que bah vu que lui commence à poser des questions, non, c'est est-ce que c'est pas un meurtre et tout, et en fait bah il est contraint à l'exil avec sa femme et bah, le suivre pendant son enquête et tout, donc ça, je pense que ça peut être ça a l'air assez noir et ça me plaît, moi j'aime bien tout ce qui est assez sombre, assez gore, donc je pense que je vais bien kiffer. On est des personnes joyeuses en fait. Oui. On mate. Non, moi je veux bien qu'on me conseille des livres sur Romanisme. Mais moi j'aime bien les livres de sport et d'actualité, alors je suis pas très. Je suis pas Bah, lis très. le livre de Nick de Guy Carlier sur Valbuena, il paraît que c'est une Oh belle non, il merde. paraît qu'il est nul. Ouais. Là, je m'étais motivé à lire le livre de mon idole, David Trezeguet, évidemment. Mais quand je vois les notes, j'ai la flemme en fait. Il paraît qu'on n'apprend rien du tout dans le livre. Donc, voilà. Donc si vous avez des livres d'actualité, enfin actualité, même histoire, quoi, ou voilà, ou de sport, proposez-moi, je suis à l'écoute. Non, moi ça m'attire pas du tout les bouquins de sport comme ça. Moi non plus, mais alors apparemment il y a le livre de Daniel Riolo, c'est, je crois que c'est Racaille Football Club apparemment, Il est vieux qui celui-là. a, ouais, mais apparemment il est pas mal en fait. On m'a dit qu'il était pas mal finalement. Enfin, tout le titre il fait un peu racoleur, mais finalement le livre est vraiment pas mal apparemment. Après, je suis plus quand même actualité, les livres de sport que j'ai lus, ça devait être Domenech et ça devait être Pape Diouf, vous écoutez tout comme ça quoi. Mais c'est plus, bon, on n'est pas dans la biographie, on est plus sur le fait de raconter une histoire que voilà, parce que Les pareil. coulisses ou... Ouais, voilà, parce que par exemple, le livre de Zlatan, franchement, non merci, quoi. C'est pas ça, mais d'entrée, j'ai pas envie de le lire, quoi. C'est pour entendre que je suis le meilleur pendant 200 pages, ça va aller, quoi. Ouais, je peux très bien le faire, moi. Ouais, moi aussi, mais ça se vend moins bien. Attends quelques années, il y aura peut-être un. Vincent Laboune va peut-être sortir un livre. Ouais. Ah ouais, non, je vais pas lui donner d'argent, moi, lui. Tu le La vérité voles. sur l'OM. Ouais, voilà, je le vole à la Fnac. Finir en tôle à cause de lui, putain. Voilà. Ok pour les bouquins, bah donc si vous avez des conseils pour Matt, faut pas hésiter. On va passer donc aux news, aux coups de cœur d'hiver. Bon, on n'a rien noté, on est un peu en impro total. Il y a juste Max qui voulait évoquer l'anniversaire d'Iountis. Bah C'est ouais, parce quoi que ça fait Iountis? donc Pardon, je donc sors. Ça me dit rien. le forum il a quand même un an. Voilà, au début enfin c'était un peu compliqué, enfin pour beaucoup ça a été compliqué de s'adapter au nouveau forum, mais finalement bon, enfin moi je me suis moi ça a été plutôt, ça a été rapide et tout, mais voilà, ça fait déjà un an qu'on est dessus. Pour moi ça a passé super vite, et surtout faut quand même saluer le boulot comme font Steven et Tyler sur le forum hein. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ils font un boulot énorme. Là, dernièrement, il y a le concours qui a été fait. Enfin bon, c'était franchement, Ouais, ça c'est du va, ça nous boulot. a pas pris tant que ça de temps. Mais bon, merci. Il y a ça, il y a les podcasts et tout. Franchement, c'est puis tout ce que vous faites et qu'on voit pas forcément. Ah, et d'ailleurs, tu veux évoquer tes talents de monteur Non, audio? c'est bon. Non, c'est bon. Moi, j'ai C'est bien. Max pour le Moi. podcast NBA, il devait faire un montage en fait, et puis il s'est un peu foiré une fois, et il a dû refaire J'ai vu un tweet magnifique refaire. passer d'ailleurs, qui dit je Ah oui. salue les Ouais. personnes dehors à montage vidéo, je sais pas quoi. Ah, tu m'étonnes. Bah, au début, c'est compliqué, mais après, quand on prend le truc, bah, moi, je découvre encore, ça fait quoi, 2 mois que j'essaye une nouvelle méthode de montage, et puis, au début, j'ai mis beaucoup plus de temps, mais en fait, maintenant, ça va beaucoup plus vite. On apprend des petites astuces comme ça. Après, pour dire un petit mot sur le forum, c'est une communauté qui vient d'ailleurs, et je trouve que pour la première année, j'ai plus le nombre de messages en tête, mais c'est quand même vachement bien, je trouve. Ça parle beaucoup. Tyler, elle avait posté les chiffres dans le topic que je ne retrouve pas, mais voilà, je trouve que c'est vraiment bien le nombre de messages et tout. Ça prouve que c'est quand même une communauté super vivante dans tout ce qui est multimédia, etc., quoi. C'est 120 000 messages de mémoire et c'est genre 1000 sujets. 120 000 messages, c'est pas mal quand même. Hein, c'est... Ouais, c'est vrai, je pense que c'est au moins minimum dans les standards qu'on faisait sur MO. Et pourtant, il n'y a pas tous les gens qui viennent pour de l'aide. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, c'est clair. Ça, on a perdu à ce niveau-là. Mais... Après, il faut dire que ça discute pas mal, mais il faut dire que la plupart de la communauté, on se connaît tous déjà depuis un moment. Parce que la plupart étaient quand même sur MO, donc finalement, on est tous venus là, et finalement, la discussion s'est faite facilement, puisqu'on se connaissait tous déjà, quoi. Après, ouais. Nous, l'enjeu aussi, ça va être d'attirer justement des nouveaux pour continuer à maintenir la communauté. Ouais, c'est ça. Mais bon, on arrive à gagner quelques personnes ici ou là, donc on espère. Bon, après, faut quand même dire que avec les... On est bien entre nous, merde. Ouais. On veut pas des jeunes cons qui vont nous faire passer pour les jeux. Après, faut quand même dire que grâce aux violences policières et le topic actualité, on est passé oui de 90 000 messages à 120 000 quand même. Oui. Faut le rappeler. Hein. Ouais, des fois, ça enchaîne bien. Mais bon. Tant que ça reste à peu près dans les règles, c'est bon. Bah, franchement, je sais pas ce que t'en penses, toi, mais c'est quand même beaucoup moins tendu que sur Mo à l'époque. Hein. Nous, on a le staff, on a un peu l'impression que ça servait à rien par moment. Mais vous, ça servait à rien. J'ai pris du retrait par rapport à ça, je m'occupe plus des décisions de ce genre, mais c'est vrai que, bon, toutes les discussions par rapport à ça, il y a aucune, en fait, quoi. Depuis un an, il y a eu une seule sanction, quoi. Non, parce qu'après, il y a des avertissements que vous voyez pas forcément, mais une sanction en oui, ferme, enfin, une sanction en ferme, moi, il y en a eu qu'une. Voilà, donc. Coucou, ça t'y va, on te salue. Parce que, enfin, sur MO, moi, je me souviens que pendant la fin, c'était quasiment tous les jours qu'on avait un qui se faisait dégager, quoi. Donc, bon, après, là, on va avoir un petit test quand même, parce qu'en général, pour les compétitions de foot, les gens ont tendance à s'énerver un peu plus. Oui, ça fait un peu plus sur la gueule, on va régler. Voilà, on va avoir un petit test dans le mois qui vient, là. Oshi va se marrer. Le ah staff, oui. Peut-être moins, mais. Non, encore que. Non, l'euro, ça, c'est quand même assez tranquille, généralement, quand même. Les compétitions internationales. Bah déjà, je pensais moi qu'avec le retour du championnat, puisqu'on avait commencé le forum en juin et le championnat reprend en août, je me suis dit que ça allait être plus chaud, mais finalement. Bah après, ce qui a aidé, c'est que Marseille fait une saison de merde aussi. Oui. Il n'y a pas eu de rivalité, donc. Et on n'a pas pu trop avoir de tension, quoi. On était 14e, qu'est-ce que tu veux qu'on s'énerve? C'est compliqué. Oui. On s'énervait sur les. Sur nous-mêmes, en fait, c'est ça. Ouais, sur le staff. Tout le monde staff, était d'accord avec nous, quoi. Les autres, ils avaient presque piqué de l'OM, alors. C'est clair. Voilà. Voilà donc pour Youngtis. Personne n'a une autre petite actu à évoquer. Bon, bah, toi, Philou Malida se propose à Marseille. Est-ce que ce serait une bonne recrue? Bah, il peut pas signer, on n'a pas le droit de recruter de joueur en fait. Ouais, après, c'est un joueur que j'aime bien, mais bon, voilà. 39 ans, non, c'est pas ça, je sais pas. 37. En Joker du Joker, ouais, pourquoi pas. Hein, tu sais, c'est pas un mec. Enfin, le point, c'est que parce que quand des mecs viennent en Joker du Joker, ils finissent titulaires. Oui. Oui, voilà, c'est souvent ça le problème. Donc. Bon, je préfère qu'on recrute des titulaires d'abord, et puis après, on verra. Bon, de toute façon, les Iraniens vont arriver, c'est bon, on va recruter des... Les rumeurs, hein. Pour la partie d'hiver, je vous aurais bien dit d'aller voir le spectacle de Jérémy Ferrari, mais je crois que je l'ai déjà fait dans un précédent podcast. Ah oui, je m'en rappelle. Tu l'as fait le mois dernier. Non, j'ai cherché, justement. Et je ne l'ai pas retrouvé dans les sommaires des podcasts. Donc, du coup, j'ai fait ça tout à l'heure, j'ai cherché, et je ne sais pas si je l'ai fait, donc du coup, je le redis, allez-y. Le nouveau spectacle, en plus. Ah ben ça se trouve j'avais pas rajouté puisqu'il me semble bien que tu en avais parlé, mais c'est peut-être aussi un truc vite fait que j'avais pas noté dans le sommaire. Ah voilà, donc du coup pour les gens qui n'ont pas écouté, ça au moins il est bien recommandé. Vend deux pièces à Beyrouth. du coup j'ai deux humoristes que j'ai un peu découvert récemment, j'ai bien kiffé. Et que j'en poste des fois sur le forum, il y a Pierre-Manuel Barré qui est un chroniqueur qui fait des chroniques sur France Inter une fois par semaine et qui explose totalement l'actualité de façon vulgaire et géniale, qui était sur Canal Plus l'année dernière, il y a deux ans en tout cas. Il y a deux ans, je crois, mais il était énorme. Ouais. Et que je trouve vraiment, vraiment, ce qui va super loin, mais étant toujours en gardant vraiment un ton ultra acide et ultra noir, donc je suis grand, grand fan, donc voilà, essayez d'aller voir un peu ce qu'il fait au niveau des chroniques, Pierre-Emmanuel Barré. Et l'autre, c'est Bounaïmin, que j'ai découvert récemment, qui est un jeune humoriste parisien d'origine asiatique qui sort de la troupe du Jamel Comedy Club. Et pareil, il est fou furieux. Il est génial, j'ai beaucoup aimé. Pareil, essayez d'aller voir un peu ce qu'il fait sur YouTube, tout ça. Bunaimin, le chinois marrant, il s'appelle. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce qu'il fait. Ah voilà. Oui, son nom de scène, c'est le chinois marrant, je crois plutôt. Ouais. On essaiera de mettre des petits liens après le enfin sur le sujet du podcast pour ouais, à fond. Faire découvrir bah, tout je sais ça. Pas s'il y a déjà des liens du spectacle pour le coup de Jérémy Ferrari, s'il est nouveau, mais j'ai pareil, si vous n'avez pas déjà dit, n'y allez pas si vous êtes sensible, n'y allez pas si vous avez une religion, n'y allez pas si vous aimez la guerre ou je sais pas, n'y allez pas si vous êtes membre d'une ONG. C'est vraiment de l'humour très très noir, mais c'est de l'humour vérifié. Donc tout ce qui est dit, c'est vérifié, c'est prouvé, c'est voilà quoi. Donc, mais pour le coup, je trouve que c'est vraiment, il faut avoir du cran. Et c'est un peu, enfin, toute proportion gardée, mais c'est un peu, je trouve, l'humour Charlie Hebdo sur scène, quoi. Donc ça casse bien et il n'a pas peur, quoi. Parfait, bah, j'irai peut-être regarder. Tu m'as convaincu la deuxième fois, tu vois. Enfin, fallait bien insister. moi, je vais retourner le voir, tu vois. Une deuxième fois. Ouais, j'aime bien me faire peur, je pense, à mon avis. Mais... Après, il y a des comics, je sais pas si lui fait ça, mais ils adaptent, enfin, ils améliorent, pas améliorent, mais ils mettent à jour un peu leur spectacle au fil des tournées qu'ils font. Bah, déjà, lui, il a commencé le spectacle en décembre, et le spectacle, il y a au moins une demi-heure sur le Bataclan. Donc, du coup, forcément, ça a été écrit très rapidement, parce que le Bataclan, malheureusement, ça s'est passé le 13 novembre. Donc, du coup, après, je trouve que ce que j'aime bien dans ce genre d'humoriste, c'est que c'est rigolé de ce sujet, pour le coup, très, très noir, mais c'est rigolé... Tu sens que malgré tout, c'est ce qui fait, je pense, la différence entre l'humour noir et Dieudonné. C'est que tu sens que c'est pas d'arrière-pensée, je sais pas comment expliquer. Mais c'est plus pour faire passer un message que pour se moquer des gens qui sont victimes des attentats ou quoi que ce soit, quoi. Mais ouais, d'ailleurs, c'était sur son ancien spectacle, je crois, au début du spectacle, il est rentré, en fait, ça faisait un bruit de fusillade, quoi. Et donc après, il a joué, je crois, deux ou trois jours après le 13 novembre, et si tu veux, ils ont connu tout le monde avant. Que bah ouais. Bon, voilà quoi. Parce que bon, ça la foutait mal quoi. C'est comme un comic que j'adore, un comic américain, Anthony Jeselnik, on ouais, en parle régulièrement sur le point. À chaque tragédie qui se passe aux US, tout le monde lui dit de ne pas tweeter un truc parce qu'ils savent qu'il va faire une saloperie et il va se faire insulter de partout. Il le fait quand même. Et il le fait quand même. Mais... Il a du boulot lui quand même. Ah oui, ça c'est. Sur le marathon de Boston, il avait dit un truc. Ah tu l'avais. Ah attends. Si vous me laissez 30 secondes, je peux la retrouver. T'en avais parlé sur le topic Netflix, donc. Ouais, c'est genre. Ça doit être simple à retrouver. Je tape Netflix normalement. C'est une blague sur la ligne d'arrivée. D'ailleurs, j'ai plus. Donc. Le temps que vous dites au revoir, je vais la retrouver. Mais, sinon, pour reparler du forum, moi, parce que bon, je les ai vus la veille, donc franchement, je voulais les féliciter encore. C'est Val et Potaval, quoi, les mecs qui sont fait un semi-marathon Poitiers. Et pour ceux qui connaissent pas Poitiers, c'est loin d'être plat, quoi. C'est un truc de fou. Les mecs, ils ont fait ça, mais avec des temps plutôt pas mal, quoi. Et enfin, parce que Poitiers, c'est une horreur, quoi. C'est-à-dire que tu sors d'une rue, t'as la rue d'à côté, elle monte, mais pas un petit peu, quoi. C'est un truc de fou. Ouais, Potaval a eu du mal apparemment sur la deuxième partie, problème de mollet ou quelque chose comme ça. Mais ouais, Val, il a bien assuré apparemment. On a leur chrono ou pas? Ils avaient donné sur course à pied. 1h46 pour Val et 2h28 pour Potaval. Ah, 1h46, c'est balèze. Ouais, c'est balèze, ouais. Il voulait le faire en moins d'une 45, finalement, il tombe pas si loin que ça, mais. Mais apparemment Val c'est un taré apparemment. C'est ce que disait Potaval, c'est au niveau du marathon, enfin, au niveau de la course, c'est un taré apparemment. Il fait 4 ou 5 sorties par semaine quoi. Voilà, c'est comme mon pote après. Il y en a quand même 5. Ouais. Bon, j'ai un échec de la mission. J'ai pas retrouvé la blague sur le topic. Mais... ouais, c'est pas grave, de toute façon. Ah voilà, c'est bon, je l'ai. Alors il y a certaines lignes qu'on ne peut pas traverser aujourd'hui. Particulièrement la ligne d'arrivée. Donc juste après le marathon de Boston où le mec a fait péter la bombe sur la ligne d'arrivée. Ah non, je viens juste de tomber dessus dans le topic. Là. À 10 secondes près, je me fais griller. Cette blague, il avait un show sur Comedy Central et il a dû la retirer sous peine de se faire licencier, donc faire licencier son staff. Et donc il a malheureusement accepté, il le regrette toujours, mais il a accepté de retirer sa blague et pour garder en fait le show. Quoi, mais... Bon, après, il s'est bien lâché, puis le show a été annulé, donc. Bon, l'humour noir, toujours très bon. C'est clair. Et voilà pour ce podcast. Bah ouais. Ouais. Tout à fait. Ah, écoute, c'était sympa, une bonne heure en fait. Pour une fois, c'est 58 bien de faire minutes, ça, là, un j'aime, peu moi, donc c'est tranquille. bon, Ouais, c'est moi bien. j'aime bien quand c'est une heure, tu vois, c'est ni trop ni pas assez. On a fait un bon petit tour de. Bon, on a mis plus de temps à faire les réglages que. Oui, voilà, putain, ouais, on a du mal en ce moment-là. Préparer ce podcast, c'est plus compliqué que le faire, en fait. Bah, merci à vous trois, en tout cas, d'être venus Eh ben et d'avoir merci, fait avec ce podcast. plaisir, avec C'était plaisir. très sympa. Et on se donne rendez-vous probablement pendant l'Euro pour quelques podcasts Ah oui. Ah bah oui, carrément, ouais. Après chaque journée, pas tous les jours, mais après chaque grande journée, Tous on les va dire. jours, tous les Tiens, qu'est-ce jours. qu'il a de bonnes idées ce matin? Non, pardon. Et donc on se retrouve pour le mensuel le mois prochain, évidemment, pour l'actu du mois de juin. Et promis, on regardera des films. Parce que là, on, Ouais, il n'y en a oui, aucun de nous qui a regardé des un films, ou quoi. deux. Oui. Et on va lire, on va se forcer à lire, à Voilà. regarder des films J'arriverai avec un bouquin fini. À chaque fois, j'ai pas fini mon bouquin, mais tout. on va avoir un Toujours en bouquin cours. fini, promis. Bon, en plus, avec ton bras dans le plat, t'as l'occasion, J'ai que ça à foutre, voilà. là. Bah, j'espère que ça vous a plu d'écouter ce podcast et on se donne rendez-vous bientôt. Salut! Salut! Salut! Salut! Je bafouille. On a réussi! Ouais, et ça marchait mieux là, il y a un peu de coupure. Enfin, pour moi en Ouais, tout moi cas. j'en ai eu une ou Non, deux vite fait, mais rien de mais... Moi j'ai méchant. peur que t'en aies deux sur le mien.